بسم الله الرحمن الرحيم سندخل اليوم في درس الثامن والستين 68e leçon. Avant ça, j'aimerais citer ce que la dernière fois j'avais cité dans le derse à la fin, c'est au propos de l'ordre des enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que le premier de ses enfants fut Al-Qasim, qui était le plus grand de ses enfants. Puis vient Zaynab, puis Abdullah. Et Abdullah, on l'appelait Al-Tayyib, et également Al-Tahir. Et lui, il est né après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait reçu la prophétie. Et il est mort en étant petit. Après, Kulthum qui est venu, puis Fatima, puis Ruqayya. Akada. Mais le premier qui mourut, ce fut Al-Qasim, à Mecca. Ensuite, ce fut Abdullah. Et il eut Ibrahim, alayhi salam, par Maria al-Qabtiya. Ça, c'était à Al-Medina. Il est mort, après il y a un khilaf à son âge, à quel âge il est mort. Et il fut dit, لو عاش لكان نبيا, comme encore les barres de Sahaba. S'il était resté vivant, il serait devenu un prophète. Mais il n'y a plus de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est mort également en bas âge. Pourquoi Zaynab, c'est sûr, elle était morte, elle était mariée à Othman. Radiallahu anhu. ثم قال هل للنبي صلى الله عليه وسلم أخوة إخوة نقول لما يكتب أخوة وإخوة أشقة est-ce qu'il avait des frères il n'avait aucun frère il était fils unique d'ailleurs là l'auteur donne la faïda par rapport à Abdul Muttalib c'est-à-dire le grand-père du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم qui était ses fils. Il en avait 10. Il y avait Abdullah. Et Abdullah, c'était le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah n'a eu qu'un fils qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Al-Zubayr. Il y a eu Al-Abbas. Il y a eu Hamza. Il y a eu Al-Mukawwam. Et son nom c'est Abdul Uzza. Il y a eu Al-Harith. Il y a eu Al-Ghaydaq. Il y a eu Abu Lahab. Et son nom c'est Abdul Izzah. Abdul Izzah. Il y a eu Abu Talib. Et Abu Talib, son nom c'est Abdul Manaf. Donc tout cela, c'était les oncles du prophète Mohammed, les frères de son père. Naam. Et parmi eux, seuls Hamza et Al-Abbas qui sont rentrés en islam. Et Zubayr. Quant aux autres, je n'ai pas connaissance qu'ils... Bon, Abu Lahab, c'est sûr qu'il n'est pas entré en islam, lui. Et les autres, je n'ai pas connaissance. Naam. Thumma qala fi su'al al-'ishrin ba'd 400. Qala man huwa 'am an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alladhi kana 'aduwwan lahu. Qui est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fut un ennemi pour lui? Il s'agit de Abu Lahab. Alors, comme dans le hadith de Rabi'a ibn Ibad, Daily, avant qu'il ne rentre en islam, il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait la da'wah dans la rue, qui appelait les gens à l'islam. Il appelait les gens à l'islam. Ouais, je sais pas où j'ai...